Docteur Jean-Marc Sen, bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Tout le monde, y compris les fumeurs, savent aujourd'hui que le tabac est nocif pour la santé. Le sport, quant à lui, est bénéfique. Vous nous l'expliquez, docteur Sen, régulièrement, toutes les semaines dans cette émission. Mais alors, est-ce que le sport permettrait de compenser les effets négatifs du tabac? Eh bien Claire, le sport ne permet de compenser ça marche pas comme ça. Eh bien non, malheureusement, que partiellement. Alors donc, il est essentiel, il faut rappeler qu'il est essentiel de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer lorsqu'on fait du sport. Alors, il y a évidemment les effets négatifs de la cigarette qu'il faut rappeler, hein, la diminution des capacités respiratoires parce que ça irrite bien sûr les muqueuses et puis il faut savoir qu'il y a du monoxyde de carbone qui est contenu dans la cigarette et qui empêche l'hémoglobine de transporter de l'oxygène. Deuxième effet négatif du tabac, c'est l'altération de la qualité des fibres musculaires du fait des composants qu'il y a dans la cigarette. Et puis enfin, on sait que ça baisse l'endurance, ça baisse la vitesse, ça diminue la force. Donc tout cela augmente, et puis sans oublier que ce tabac-là augmente le risque cardiovasculaire, des accidents cardiovasculaires et des maladies cardiovasculaires. Et puis enfin, dernière argumentation très forte, c'est que le fumeur réduit potentiellement son espérance de vie de 15 ans hein, par rapport au non-fumeur. Mais arrêter de fumer, on le sait, hein, ce n'est pas toujours facile. Et il y a aussi des conséquences pas toujours agréables. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Absolument, Claire. Hein, les conséquences de l'arrêt du tabac, bien sûr, outre la dépendance physique et psychologique qui sont dures à passer, évidemment. On sait que la nicotine, la dépendance, c'est à peu près 4 jours. Mais il y a tout le reste qu'il faut arriver à surmonter. Et ce n'est pas simple, bien sûr, pour les fumeurs. C'est bien sûr la prise de poids. Hein, parce qu'il y a en effet l'arrêt de l'effet anorexigène du tabac, et puis le retour des sensations gustatives avec un besoin de compensation hein, psychologique qui fait que les gens vont plus manger. Et je sens que vous allez me parler sport du coup, c'est ça, d'où l'intérêt oui, du sport. Le sport devient un atout, parce qu'il permet évidemment de maîtriser ce poids, il a un effet anxiolytique et par la sécrétion d'endorphines, et donc ça a des éléments bien sûr compensateurs de ce point de vue sur l'arrêt. Et puis bien sûr, l'arrêt du tabac a des bienfaits quand même qu'il faut rappeler. Dès la 20e minute, la pression artérielle, la fréquence cardiaque redeviennent normales. 1 à 9 mois après, on est moins essoufflé. 1 an après, le risque cardiaque en lien avec le tabac diminue. 10 à 15 ans après, l'espérance de vie redevient presque identique à celle d'une personne qui n'a jamais fumé et qui a les mêmes facteurs de risque que vous. Et docteur Jean-Marc Sen, quels sont les conseils que vous pouvez donner sur l'activité physique aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer? D'être motivé. Hein. Il faut commencer par bouger un peu plus au quotidien. Si il faut éviter de fumer vraiment dans l'heure qui précède et dans les 2 heures qui suivent une pratique sportive. Et puis on sait, ça a été démontré, qu'une activité physique régulière aide à limiter le tabagisme et le recours au tabac. Et puis ça optimise, hein, on l'a vu un petit peu à travers notamment le contrôle du poids, le résultat de la cure anti-tabac. Ça aide à augmenter les aptitudes cardiaques, respiratoires. Donc voilà, tout cela, c'est une bonne chose. Et puis surtout, ne pas utiliser le sport comme alibi pour continuer de fumer. Donc à la place de fumer justement sur le lieu de travail, ben, pourquoi pas aller faire un petit tour de pâté de maison, c'est beaucoup mieux. Ça ira. Activité physique et arrêt du tabac. Merci, ouais. Docteur Jean-Marc Sen.